Partir. Partir, oui, partir ailleurs. Nombreux rivages, d'autres couleurs. Pourquoi attendre aussi longtemps pour trouver enfin le temps? Terre parsemée de bouquets de fleurs, collines ensoleillées où règne le bonheur, les oiseaux, les abeilles, les ailes dans le vent, panier de fruits posés sur un banc, sillon où poussent toutes les saveurs, forêt dense aux multiples odeurs. Calme, espace, image d'hier, ruissellement de l'eau entre les pierres, chant de femmes, murmure, rire d'enfants, pêcheurs basanés sous la voile qui se tend, sac gonflé d'épices de l'Orient, les murs blancs qui renvoient la chaleur, partir, partir, oui, partir ailleurs.